ok, normal, normal. J'esquive les chacals, les grosses merdes et les balles tringues. Moi je veux un 4-4 et me faire sucer par un mannequin. On pète des cadenas, mon monde c'est pas le tien. Ici c'est compète et arnaque. 0-5 les martiens. Moi j'enchaîne les ratures, ouais, je fais des gribouillages. Genève, il fait gris tout le temps donc je remets ma capuche. Je me lève du pied gauche, j'avale deux aspirines. Ce monde m'appartient, ouais. Je me lève à midi, moi je fais pas les magasins. Je porte les t-shirts à Nikki chez moi. C'est à l'ancienne, ça parle d'héros et de Platini. Toi les extrêmes, ouais. Je veux me sentir libre, ouais. Mes amis je les respecte, ouais. Le reste j'anticipe, okay. Dans ma vie je suis tellement seul. Quand je parle j'entends l'écho. Je goûte un café go, c'est pleure pas sur mon épaule. Je suis pas en haut de l'affiche, moi je fais de la maille discrète, okay. Tu veux qu'on jette des roses, okay. Y'a des tartes qui se perdent, okay. En état d'ivresse, libéré qu'elle se plie verbe, okay. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. Je suis pas en haut de l'affiche, moi je fais de la maille discrète, okay. Tu veux qu'on jette des roses, okay. Y'a des tartes qui se perdent, okay. En état d'ivresse, libéré qu'elle se plie verbe, okay. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. Elle est bien loin l'époque du petit billet et de son tricycle. Du football en bas, des cache-cache et de ma tirelire. J'finis ma 8-8, aspirine et whisky. Mes trous de mémoire sont mystiques, sommeil éthylique. J'vous emmène, ouais. Faire un tour dans ma forteresse. Moi j'ai un cœur en porcelaine, mais bon, j'vous emmerde. J'rêve d'un bord de mer, d'une villa, d'une biatch. Au corps de rêve, les copes se prennent pour Attila. Les tocs se crèvent, des corps de mer. Moi j'piave, ramène la dose de frais, ça bicrave. J'ai la gorge sèche, j'meurf sur la corde de rêve. Vol de verte, les punks se testent, passe une malbac. Ramène-moi à ta table et j'dévore le steak. J'en avec des fortes têtes, des chiens errants. Demande à As, au crochet des rampes, mes potes se servent. C'est étrange, déconne, je sais. Je rêve d'une tonne de pièces. Certains parlent aux anges et ont vu la mort de près. Moi, je me tire à 2 heures. Je traîne seul dans le désert. Des cernes souligneuses, de la beuh et des cesses. Mais je suis pas en haut de l'affiche. Moi, je fais de la maille discrète. Okay. Tu veux qu'on jette des roses, okay. Y'a des tartes qui se perdent. En état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. Je suis pas en haut de l'affiche. Moi, je fais de la maille discrète. Okay. Tu veux qu'on jette des roses, okay. Y'a des tartes qui se perdent. En état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. Ok, moi c'est Bill, enchanté mesdames et messieurs. Je m'en tape de la life et je connais pas la couleur de mes yeux. Je contois des couleuvres, de la douceur, de la douleur. J'ai une équipe, mais dans ma tête je suis tout seul moi. Je m'endors sous drogue, ma clope un goût de fleur. Brille dans les coups d'heure, brille dans les sous-sols, les coups de bol. Cousin, dites-moi que j'attends plus. Défoncé dans le bus, la vie se met un doigt dans le cul. Nourri au merguez, bref, à 5h j'émerge mec. Moi je dois une petite fortune au CFF. Les portes sont mes fers, il faut une clé SIG. Ainsi que des vacances customisées par EasyJet. On s'emmerde, la poussette à la tombe, ok. Mon équipe passe des bouteilles à la skonk, ok. Le petit frère écoute du Wu-Tang à la zombie. Moi c'est Bill, normal, j'grade des couplets à la con, ok. Marécage, trique, zizi, spéli, vite, ok. Ok, on fight, normal, j'en tue le monde, ok, ok. J'suis pas en haut de l'affiche, moi j'fais de la maille discrète. Tu veux qu'on jette des roses, y'a des tartes qui se perdent. En état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. J'suis pas en haut de l'affiche, moi j'fais de la maille discrète. Tu veux qu'on jette des roses, y'a des tartes qui se perdent. En état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. On est des hommes de l'ombre en live de l'iceberg. J'suis pas en haut de l'affiche, moi j'fais de la maille discrète. Ok, ok, ok, ok. En état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. L'affiche, moi je fais de la maille discrète. Ok, ok, ok, ok. Ici, en état d'ivresse, libéré qu'à se plie verbe. Putain, non, non, ces mecs là, c'est du bon rap qu'ils font, vraiment, je te jure. C'est les mecs que je côtoie tous les jours, je te jure. Ah non, je kiffe ce qu'ils font, je kiffe ce qu'ils font. Mais attends, si tu kiffes ça là, ce qu'ils veulent t'entendre là. Attends, attends, attends. Le prochain, Monsieur Désarroi, l'artiste, je l'appelle moi. Son morceau, l'ouragan. Wouh!